le temps, si on le prend. On a le temps, dit Tolosan, de s'avouer qu'on est enfant sur le pont des Catalans. On a le temps, c'est un serment, en langue d'oc, en occitan, de s'avouer adolescent sur le pont des Catalans. On a le temps, ma belle enfant, dans la chaleur du vent d'automne, de s'avouer qu'on est amant sur le pont des Catalans. On a le temps, on a 20 ans, de ville rose en clé des champs, de s'avouer nos sentiments sur le pont des Catalans. On a le temps pour les tourments, toi ma violette et mon sarment, pour les aveux, les châtiments sur le pont des Catalans. Sur le pont des Catalans.